De l'heure d'artiste par Pierre Soulaine. Seul au fond de son appartement, à demi couché dans une bergère Louis XVI, le compositeur Luc Vandal vivait une heure d'affreuse angoisse. Sur quelques perspectives qu'il dirige à ses pensées, il se retrouvait sans désir, l'espoir mort. Sensitif, presque puéril, comme la plupart des artistes, il ne connaissait guère d'autre ordre d'impression que l'enthousiasme et le découragement. D'un enthousiasme plus ardent qui l'avait passionné davantage, il venait de retomber dans un découragement plus complet et très las, les nerfs brisés, il se préparait maintenant au suicide. Ce n'était pas un musicien à longs cheveux. Quoique de naissance modeste, Luc Vandal avait su, à mesure que son succès augmentait, raffiner le style de son élégance, la délicatesse de son luxe. Dans ses vêtements sans éclat, mais d'un goût irréprochable, précis de gestes et doux de voix, il semblait, moustache blonde et regard calme, quelque Anglais de famille ancienne ayant passé l'enfance dans une terre ancestrale, son adolescence à Cambridge, sa jeunesse dans les grands clubs de Londres. Grâce à ses façons hautes et fines, à ses allures fabriquées qui paraissaient en lui, à force d'art, si aristocratiquement naturel, il fit partie des meilleurs salons de Paris et c'est la notoriété mondaine qui lui ouvrit la voie triomphale. En l'état d'abattement où il s'alanguissait ce jour-là, il retrouvait dans la grisaille de ses pensées lâches le souvenir des étapes de sa fortune. D'abord, sa première protectrice, la baronne de Lidberg, une viennoise affolée de musique qu'il avait patronnée, imposée dans son cercle de relations, puis son oratorio de concert l'apôtre, dont le succès fut si grand, enfin ses opéras, l'incendie de Rome et Liogabal, qui achevèrent sa conquête de gloire. Ses luttes anciennes, ses fièvres et ses joies ne retentissaient plus en lui, n'évoquaient aucun regret, pas une fibre de son cœur n'en vibrait encore. C'est que depuis 6 mois, une seule pensée avait absorbé les forces vitales du musicien. Ses aspirations vers le bonheur, ses rêves professionnels, tout cela avait disparu à la dernière saison d'été, quand naquit dans l'âme ardente de Vandal sa grande passion pour Simone de Rochemaurant. Il était à cette époque de la vie des hommes d'imagination où, la jeunesse passée, les premières ambitions satisfaites, l'amour de la jeune fille qu'ils épouseront devient le seul but enviable, lorsqu'à Dinard il fut présenté à cette vierge adorable, fille unique du marquis de Rochemaurant. Sur les plages à la mode, des rapports s'établissent plus aisément familiers entre des inconnus de la veille. Un bal costumé dans la colonie anglaise permit au compositeur d'aborder l'intimité de celle qu'il aimait déjà follement. Un pique-nique à Saint-Brieuc, une excursion en yacht sur la Rance, furent encore des occasions de rapprochement. À travers les propos inutiles, la conversation banale du petit clan mondain auquel ils étaient mêlés, Simone et Luc, avertis par l'intuition de leurs esprits semblables, communièrent dans les mêmes impressions. Ils tressaillirent au même spectacle, pris d'enthousiasme pareil pour la même opinion, rêveurs de rêves amis. Ils se connaissaient depuis peu de jours, que déjà un regard échangé les mettait d'accord, un seul mot prononcé par l'un d'eux valait plus dans la pensée de l'autre que la plus longue tirade d'un indifférent. Les souvenirs se déroulaient toujours dans l'âme douloureuse de Vandal, doux, encore paisible, mais d'instinct il se leva. Il sentait venir la poignante mémoire de la crise qu'il avait abattue. Il fallait être debout pour résister, plus robuste. Le décor lui réapparut de la Malouine, cette falaise coquette, parée de chalets luxueux, de pimpants jardins. Il se revit, suivant seul le chemin en bordure, contemplant la mer où frémissaient des paillettes d'or, dernier regard du soleil couchant. Il s'absorbait alors dans la passion qu'il avait prise. Tout ce qui l'entourait ne bruissait que pour évoquer Simone. Surtout ce qu'il voyait passait des reflets d'elle. Elle était l'idéal réalisé de ses plus fières aspirations. Cette ravissante jeune fille, dédaigneuse d'hommage, si délicieusement élégante dans sa grâce hautaine, d'esprit si fin, d'âme si généreuse, paraissait être à Luc Vandal la personnification d'un radieux avenir. À se rappeler la bienveillance rare qu'elle lui avait tout de suite témoignée, la conformité de leur goût, l'union intellectuelle si vite établie entre eux, un espoir gonflait son cœur d'enivrantes promesses. Dans sa promenade, soudain le musicien avait tressailli. En face de lui, venant de Saint-Enoga, deux femmes s'avançaient qu'il allait croiser. C'était Simone et son chaperon habituel, son ancienne institutrice, Miss O'Brien. Blonde et frêle dans sa robe blanche, l'ovale tendre de son visage abrité d'un grand chapeau de tulle mauve, la silhouette de Mademoiselle de Rochemaurant, légère dans la lumière hésitante du soir, sembla à Vandal, étourdi de surprise, quelque apparition divine née de sa rêverie. Il s'était arrêté dévotement découvert. À mesure que s'approchait la jeune fille, distinguant mieux ses traits délicats, le compositeur, ramené à la réalité, sentit combien cette rencontre lui était précieuse. Pour la première fois, il se trouverait avec Simone, à l'abri des importuns, loin des conversations imposées. Peut-être allait-il pouvoir lui dire le secret de son âme. « Monsieur Vandal, je suis heureuse. » Et ces mots, dits de la voix douce et brave qui lui était particulière, Mademoiselle de Rochemaurant tendit la main à Luc. Respectueux, il la prit, et tandis que le placide visage de Miss O'Brien s'éclairait à son adresse d'un souriant bonjour, il salua gravement. « Si vous étiez sans but, continua la jeune fille, voulez-vous faire quelques pas avec nous? La nuit arrive et ma protection ne suffira plus à rassurer Miss O'Brien. » L'Irlandaise eut un geste de protestation, mais Vandal avait saisi bien vite l'occasion et déjà il avait fait volte-face. Tous trois parvinrent ainsi en haut d'une petite plage, étroite bande de sable prise dans la rue. Cette crique déserte, si près de l'animation de Dinard, était dans le crépuscule une miniature de solitude. Comme le flot, devenu sombre, grossissait à ce moment-là, les vagues acharnées sur les rochers bruns, fracassées et renaissantes, poursuivant bruyamment leur lente conquête du sol muet, prenaient un air de mer sauvage, méditant des catastrophes. Simone voulut descendre sur la plage. Le musicien la précédant l'aida d'un bras robuste à sauter de rocher en rocher. « Restez, ma chère Miss O'Brien, » dit la jeune fille, « vous ne pourriez pas vous en tirer. » Et l'Irlandaise, docile, s'était assise au bord de la falaise. Maintenant, Vandal et Mademoiselle de Rochemaurant se promenaient côte à côte et Luc constatait le changement de la physionomie de sa compagne. Elle semblait rêver en regardant la mer, mais ses traits, soudain durcis, révélaient une pensée obsédante qui venait de la reconquérir. Seul ainsi, avec Simone, le compositeur tremblait de rompre le silence, sachant bien qu'il ne pourrait ni l'un ni l'autre poursuivre une causerie banale, et que leur entretien de ce soir-là ferait jaillir la joie ou sourdre la douleur. C'est elle qui parla. Malgré les mois écoulés, Vandal avait encore dans l'oreille le bruit même de sa voix. Les expressions dont elle s'était servie lui revenaient nettes, précises, comme s'il venait de les entendre. Elle disait quelle véritable sympathie l'avait tout de suite entraînée vers le musicien. Elle professait que l'amitié existe du premier abord ou ne se forme jamais. Vandal, qu'elle connaissait depuis si peu de temps, lui était plus ami que bien des amis anciens. « Et si cela vous étonne, monsieur, » continuait-elle, « d'entendre des paroles aussi franches, si exemptes de prudence, venant d'une jeune fille, c'est que je puis me passer la fantaisie d'un peu d'originalité. » Puis elle ajoutait, « J'ai la volonté de me retirer du monde et n'attends que le consentement définitif de mon père, pour commencer mon noviciat chez les sœurs de Saint-Vincent-Paul. » À cette déclaration, Luc se rappelait qu'elle étreinte de fer lui avait serré les tempes, poignait le cœur. Il avait chancelé sous la violence du coup, et Simone, faisant sa voix plus douce encore, en voyant cette affreuse émotion, lui avait dit en de courtes phrases le roman de son cœur. Elle avait été promise par son père dès l'enfance à un jeune parent, le comte de Guérande. Officier de Spahy, son fiancé, beau, bon et brave, était mort l'année précédente dans une expédition coloniale. Mademoiselle de Rochemaurant, qui avait tendrement voué sa vie à la sienne, avait vu dans cet effroyable malheur l'arrêt divin de sa destinée. Comme la jeune victime, tombée sous le drapeau, elle voulait tomber sous le crucifix après avoir effectué tout ce que la passion du devoir peut inspirer de sacrifice. S'il était resté, cette année encore dans le monde, c'était sur la supplication de son père, qui avait le secret d'espoir, de voir la jeunesse de sa fille s'effrayer à la longue de la tâche à accomplir. Ce mois était le dernier délai consenti par Simone. Rien n'avait pu entamer sa résolution. Les tentations mondaines étaient restées impuissantes contre sa fermeté. « Je suis heureuse, » disait la jeune fille, « d'avoir eu l'occasion de vous faire cette confidence. Vous ayant tout de suite différencié des jeunes gens qui m'entouraient, j'ai voulu faire quelque chose d'amical, vous donner une preuve d'estime, d'affection, en vous apprenant cela moi-même, pour que vous me connaissiez toutes comme on doit connaître ses amis. » Elle lui tendit la main, puis, légère, gravit le difficile sentier qui escaladait la falaise. « Adieu, monsieur Vandal, Miss O'Brien doit s'impatienter. » Ce furent les derniers mots qu'il lui entendit prononcer, et dans la nuit accrue, elle s'enfonça avec sa compagne, tandis que le compositeur, au bord de la mer hurlante, sentait ses nerfs se tordre dans un sanglot. Il avait quitté Dinard le lendemain, et alors commença en lui l'irrésistible progrès, la victorieuse montée du découragement où il succombait. Vandal avait cru d'abord que le travail le sauverait, mais ce furent l'impuissance où il s'est débattu, la perte de toute inspiration, le dégoût de son art, qui lui démontrèrent la gravité du mal. Il se sentit blessé au sort de l'existence, désarmé de toute foi, désespéré. Soit que cette douleur l'eût frappé pendant quelques dangereuses évolutions de sa vie morale, soit que les folles espérances conçues pendant quelques jours eussent absorbé toute l'ardeur de son esprit, tombé de ce rêve, il gisait, fini. Il cessa de poursuivre ses gémissantes évocations. Le moment de l'acte était venu. Artiste qui avait perdu l'âme chantante de son génie, homme tendre qui avait perdu l'espoir de l'amour, il voulait tuer le corps où croulaient ses ruines. Il alla vers un bureau de chêne. Dans le coin du tiroir ouvert luisait l'acier du revolver libérateur, chargé, prêt. Luc avait pensé au moindre détail d'exécution. Il mettrait sa poitrine à nu devant la glace, il tracerait au fusain, là où il aurait senti les battements de son cœur, un cercle noir pour fixer le but mortel, et il tirerait droit, sûr de son courage. D'un regard, il dit adieu aux choses. Le grand piano à queue auquel il fut jadis tendeur de fièvre exquise s'allongeait au fond de la pièce. Attiré, Vandal s'assit sur le tabouret et le clavier découvert, il joua pour la dernière fois. Sous ses doigts montait la pleurante mélodie de la marche de Chopin, car lui n'osait plus solliciter l'inspiration tarie. Peu à peu, retombant dans ses souvenirs, il abandonna la phrase commencée. Abîmé dans sa douleur, il perdit toute notion de la minute présente, et ses mains familières au rythme, obéissant à de mystérieuses impulsions, firent chanter en une lente harmonie la pensée du compositeur. Sur son piano, il disait ce qu'il n'avait pu murmurer à Mademoiselle de Rochemaurant. Le fervent amour qu'il lui avait voué, le rêve du bonheur exquis d'être aimé d'elle, tout ce qu'il y eut de fier et de tendre dans la passion que Vandal ressentit pour Simone, son génie, réveillé à cette heure suprême, l'exprima dans une musique d'ivresse et de mélancolie. L'âme du compositeur frémissait dans la volupté de la création. La mélodie s'élevait, s'affirmait. Inconscient, les sensations diluées dans cette source d'inspiration qui venait de jaillir de sa douleur enfin féconde, Luc se leva. Il revint à son bureau, où le revolver d'abord heurta son regard. Mais, transporté maintenant dans un refuge inaccessible, le compositeur violemment repoussa le tiroir. Puis, il se mit à écrire sa musique. C'était « Douleur d'artiste » par Pierre Soulaine.